suis fière de ce que porte mon dos. Un peu comme un bateau qui trouve son équilibre entre les vagues et le chaos. Un peu comme un bateau, j'avance et je suis fière de ce que porte mon dos. Un peu comme un bateau. Avec le temps tout s'éloigne. Avec le temps tout s'éloigne. Avec le temps tout s'éloigne. Avec le temps tout se soigne. Je me souviens de nos mains mortes de froid, ce sac lourd sur nos épaules pour manger à notre faim. Quand la vie faisait sa loi, plus tranchante qu'un coup. Sur les eaux et je rame, rame, rame, rame. Un peu comme...